Réponse à l'ambiguïté. La Mecque ne redeviendra jamais une terre de mécréance. Il y en a qui se basent sur le hadith qui dit « Il n'y aura plus de hijra après la conquête de la Mecque » pour dire que la Mecque ne redeviendra pas une terre de mécréance. La réponse est qu'il n'y a rien dans ce hadith qui indique que la Mecque va redevenir ou non une terre de mécréance. Elle indique juste que la première émigration de la Mecque à Médine est terminée et qu'après cela, il ne faut plus s'exiler de la Mecque à Médine après la reprise de la Mecque, car elle était devenue une terre d'islam. Et le fait qu'elle soit redevenue une terre d'islam ne veut pas dire que ce statut sera affilié à la Mecque jusqu'au jour du jugement, car il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera que lorsque personne ne fera le hajj » et aussi que l'heure n'arrivera pas avant qu'Al-Lat et Al-Uzza ne soient à nouveau adorés. Et également, il s'est confirmé dans l'histoire que les impies, Qaramites, s'étaient emparés de la Mecque. Ils y ont gouverné par leur incroyance et leur hérésie et massacrèrent les pèlerins dans la maison sacrée d'Allah. Et ils les ont enterrés dans la mosquée et dans le puits de Zemzem. Et leur chef, Abu Tahir, le Qaramite, qu'Allah le maudisse, disait, debout devant la porte de la Kaaba le jour de Tarwiya, alors que les gens s'entretuaient autour de lui. « Je suis Allah et par Allah, je crée la création, c'est moi qui les fais disparaître. » Les gens essayaient de lui échapper en vain et s'accrochaient au rideau de la Kaaba. Mais les Qaramites ne se limitèrent pas à ça, qu'Allah les maudisse. Mais ils ont volé la pierre noire et l'emportèrent avec eux. Et ils la gardèrent 22 ans. Puis ils la restituèrent. Cette histoire est connue et diffusée dans les livres d'histoire. Alors, nous demandons, est-ce qu'à cette époque, sous l'autorité des Qaramites mécréants, la Mecque était une terre d'islam ou bien une terre de mécréance et de guerre? La réponse ne fait aucun doute, ni aucun désaccord. C'était bel et bien une terre de mécréance, et sa libération de l'oppression et de l'autorité des Qaramites fut la plus prioritaire des obligations collectives. Aussi, lorsqu'elle était sous l'autorité du shérif Hussein, le valet des Anglais, était-elle gouvernée par l'islam? La réponse, et tout le monde la connaît, non. Et Allah sait mieux.